que je voudrais développer. Je voudrais développer un autre plan de cette psychologie évolutionnaire. Je pourrais donner un nom à ça. J'appellerais ça l'élucidation des catégories à partir du plan mental. Qu'est-ce que je veux dire par l'élucidation des catégories? L'être humain est en recherche constante. Et pour lui, la recherche, c'est le questionnement. Et le questionnement, ça lui permet de satisfaire la partie mentale de son ego. Et cette partie mentale-là, bien qu'elle soit nécessaire sur le plan psychologique, elle devient totalement surannée ou surexposée sur le plan mental, parce que sur le plan mental, la réflexion n'existe pas pour donner à une question de valeur. C'est peut-être un petit peu difficile à saisir ce que je dis là, mais je vais revenir, je vais faire la reconnexion. Alors, quand je dis que sur le plan mental, la question n'a pas de valeur, je veux dire que la question ne sert pas à donner ou ne sert pas de support à la partie inférieure de l'intelligence, c'est-à-dire à l'ego intellectualisé. Et dans l'évolution de la conscience mentale vers la conscience supramentale, dans l'évolution d'une psychologie évolutive vers une psychologie évolutive, l'homme va en arriver éventuellement à découvrir ou à trouver son équilibre dans ce que j'appelle le vide créatif de sa conscience. Quand l'homme aura découvert le vide créatif de sa conscience ou l'équilibre à l'intérieur de ce vide-là, l'homme techniquement n'aura plus de questions à se poser. Et au lieu de poser des questions ou de se poser des questions, il sera simplement au service des réponses. Donc, il créera les réponses nécessaires. Dépendant de l'individu ou dépendant de la conscience à l'écoute, il créera des réponses nécessaires pour faire avancer l'homme dans le développement de sa conscience mentale. Ce que je veux dire, c'est que le processus réflectif de l'ego qui mène chez l'homme intelligent à une certaine forme de questionnement provient du fait que l'ego, dans son inconscience, puis quand je parle de son inconscience, je ne parle pas de son inconscience dans un sens péjoratif. Je parle de l'ego qui n'est pas dans sa puissance créatrice. Parce que si l'ego était dans sa puissance créatrice, il n'y en aurait pas de question. Et la raison pour laquelle il n'y aurait pas de question, c'est parce que l'infinité de son mental serait à sa disposition, n'importe quand, dans la mesure où il aurait à s'exprimer créativement sur le plan matériel. Donc, si un être est capable de s'exprimer créativement sur le plan matériel, c'est-à-dire techniquement pouvoir répondre à toutes les questions, à ce moment-là, il n'y a plus cette partie de son mental qui questionne, donc cette partie de son mental évolutif qui cherche à comprendre la vie, disparaîtrait au profit d'une conscience mentale créative qui est instantanément capable ou douée pour exprimer dans cet instant-là, ou d'expliquer dans cet instant-là, les conditions de la vie matérielle ou de la vie évolutive ou de la vie des systèmes. Parce que un être conscient, ça réfléchit de moins en moins. Alors qu'un être inconscient réfléchit techniquement de plus en plus. Parce qu'il essaie de cerner l'infinité. Donc le processus de questionnement qui existe chez l'homme fait partie de sa tendance naturelle à vouloir cerner l'infinité. Et ça fait partie de la qualité de la curiosité de son intellect. Et c'est normal, ça fait partie de l'évolution, mais à partir du moment où l'homme va passer à une autre phase dans sa relation avec l'invisible, il va être obligé éventuellement de cesser le processus de questionnement parce que l'invisible étant tellement vaste, si l'homme poursuit son questionnement intellectuel, il deviendra extrêmement fatigué sur le plan mental et éventuellement, sa conscience s'évanouirait. La raison pour laquelle je parle de l'élucidation des catégories, c'est pour mettre en relief, au cours de l'évolution, certains aspects de la conscience qui forceront l'ego à se déshabiller de plus en plus de son enveloppe intellectuelle pour s'habiller, si vous voulez, ou se réhabiller d'une autre enveloppe beaucoup plus subtile, beaucoup moins affligé par le besoin de la vérité et beaucoup plus consciente du besoin simplement d'exprimer une vibration par le biais du mental pour avoir une mesure de ce qu'il sait au lieu d'avoir une mesure de ce qu'il recherche savoir. Ça se comprend-tu ce que je vous dis? Pendant l'évolution, ou chez les êtres qui cherchent, ou des êtres évolués qui cherchent, il y a toujours le phénomène du questionnement, c'est-à-dire du besoin de l'ego de s'approprier une mesure de vérité pour avoir l'impression de toucher du doigt à la réalité. Et cette condition-là, qui fait partie de l'ego évolutif, qui fait partie de sa curiosité, qui fait partie du développement de son intellect, cette condition-là, avec le temps, au fur et à mesure où l'homme va rentrer dans une conscience réellement mentale, cette condition-là va disparaître parce que l'ego ne pourra plus absorber le caractère partiel de la vérité. Il sera obligé simplement de se nourrir d'une vibration qui n'est pas, d'une manière ou d'une autre, liée aux besoins de la vérité, mais qui fait simplement partie de sa capacité d'expression en tant qu'être lumière. Ça se comprend-tu, ça? Quand l'homme va passer de l'évolution à l'évolution, de la conscience mentale inférieure à une conscience plus avancée, l'homme sera déraciné, éventuellement, de son corps de désir intellectuel. Et le corps de désir intellectuel chez l'homme, c'est son besoin de mettre le doigt ou de toucher du doigt la réalité en passant par les catégories, c'est-à-dire par les valeurs qu'il donne aux formes et que lui, en tant qu'intellectuel ou en tant qu'être pensant, dont lui, en tant qu'être pensant, s'instruit pour avoir l'impression de savoir. Et l'impression de savoir fait partie du besoin de l'ego évolutif, fait partie de la naissance de son esprit, mais en même temps fait partie de son instabilité. Donc le processus de questionnement fait partie de la naissance de l'esprit de l'homme, mais en même temps ça fait partie de son instabilité parce qu'il n'y a pas de finitude dans le questionnement. Autrement dit, il n'y a pas de limite à se questionner. C'est un petit peu comme les différentes questions d'infinité que l'ego, que l'intellect peut se poser. L'intellect a beaucoup de difficultés à traiter avec l'infinité. C'est difficile pour l'intellect, pour un ego intellectualisé, de pouvoir s'abstenir de penser que l'univers a une origine. L'ego a besoin de sentir que l'univers a une origine. Parce que si l'univers n'a pas d'origine pour lui en tant qu'être pensant, la valeur psychique de son déracinement dans un vacuum total d'esprit est trop grande, c'est too much pour lui en tant qu'être enveloppé dans une finitude qu'on appelle le corps matériel. S'il était esprit pur, s'il était esprit en astral ou esprit en conscience éthérique, il n'y aurait pas de problème avec le fait que l'univers n'a pas d'origine. Ça ne le dérangerait pas, ça. Parce que la constitution psychologique de son ego, la nature de son moi, ne l'inviterait pas à vouloir stabiliser ce qui ne stabilise pas, c'est-à-dire l'infinité. Donc, l'homme n'aurait pas tendance, en tant qu'être penseur religieux ou spirituel, à se créer un Dieu qui représente pour lui la finitude de l'infinité, qu'il anthropomorphise pour des raisons purement biologiques ou purement psychiques ou psychologiques. Alors qu'un homme conscient, qu'un homme qui a une conscience réellement mentale, dans le sens supramental du terme, n'est pas capable de s'exercer psychologiquement à découvrir des paramètres infinis pour stabiliser sa relation avec ce vacuum-là en tant qu'ego, parce qu'il n'est pas, il n'a pas besoin de penser pour sentir la réalité, ou pour avoir une mesure de la réalité, ou pour évaluer la réalité. La réalité, pour lui, est simplement l'aventure d'un esprit qui a cessé de se questionner. Alors que pour l'homme de l'évolution, la réalité, c'est le mouvement de son esprit à travers les différentes catégories qui constituent pour lui les bornes, les limites d'un univers palpable à travers le sens psychologique de son ego qu'on appelle l'intellect. Ça marche-tu? Dans le processus d'affirmation d'une conscience créatrice, l'homme découvrira, d'après lui-même, selon son statut évolutionnaire, selon son état mental, selon son esprit, selon son indépendance d'esprit, selon sa capacité de créer au-delà des formes qui constituent le patrimoine de l'évolution, l'homme aura la capacité de s'instruire lui-même. Quand l'homme s'instruit lui-même, il ne peut pas s'instruire d'après les outils qui ont apprivoisé l'humanité antérieure. Autrement dit, un être conscient ne peut pas s'instruire de lui-même en utilisant les outils ou les méthodes ou les méthodologies ou les idéologies qui ont caractérisé sa conscience évolutive et qui ont donné prééminence à son intellect. Il est obligé de passer à une autre étape où le questionnement n'existe plus pour lui parce qu'il est fatigué de chercher. Étant fatigué de chercher, étant épuisé ou ayant épuisé sa relation avec la forme, qui équivaut au processus mental de l'évolution, il cherche simplement à s'éloigner de plus en plus du questionnement pour en arriver finalement à être seul, à pouvoir dominer la forme. En dominant la forme, il est seul, c'est-à-dire qu'il a la capacité d'être, dans un sens, un autodidacte systémique. Qu'on lui demande qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que c'est le feu, qu'est-ce que c'est l'origine des mondes, qu'est-ce que c'est l'île du paradis, il décrira ces catégories-là qui font partie de l'expérience psychologique, occulte, ésotérique, philosophique ou religieuse de l'évolution. Il décrira ces catégories-là selon sa vibration, selon sa puissance, selon le degré de non-identification avec la forme qu'on appelle la connaissance, qui sera pour lui la manifestation de son identité. Donc, pour un être conscient, la vérité n'existant plus, le questionnement étant de moins en moins restreint parce que la vérité n'existe plus, il est obligé, pour satisfaire sa volonté créatrice, de dicter, d'établir, par lui-même, selon lui-même, les bornes de toute question. Donc, c'est lui, ça revient à lui, en tant qu'être systémique, pensant, éthérisé dans le mental, ça devient à lui la responsabilité, s'il le veut, si ça fait partie de sa volonté, de développer les nouvelles codex de la connaissance, c'est-à-dire de développer les bornes de ce qu'on appelle, ou de ce qu'on appellera peut-être dans un certain temps, des vérités anciennes, mais dans un temps ou dans un moment qui n'a aucune limite chronologique et qui ne peut pas être perçu par l'intellect, mais qui doit être et qui ne peut qu'être perçu par la vibration. On suit. Si on me demandait de décrire, de faire un dessin qui succinctement nous donnerait une appréciation purement psychologique de ce qu'on appelle l'intellect créatif. L'intellect créatif étant la conscience mentale. La conscience, le mouvement de la conscience mentale, c'est ceci. C'est un mouvement pur, simple, intégral, qui n'a aucune origine et qui n'a aucune fin, parce que la prise de conscience qui constitue la colonne vertébrale de ce mouvement d'énergie-là n'a pas de réflexion. Donc, n'ayant pas de réflexion dans cette prise de conscience, le concept de l'origine et le concept de la fin ne peut pas exister. Donc, les paramètres, les valeurs qui sont nécessaires pour délimiter ce qu'on appelle la vérité n'existent plus. Alors que pour l'intellect, le même graphique qui servira à en exposer une sorte de... à l'exposer un peu visuellement, l'intellect, ça serait ça. Alors, ce mouvement-là, qui est infini en soi, est totalement désordonné. Parce que dans ce mouvement-là, le mouvement essentiel de l'esprit ne peut pas retracer le début ou la fin de son expression. Alors que dans l'intelligence intégrale, la conscience est capable de mettre le doigt sur le début ou la fin de son expression en disant que le début n'existe pas et la fin non plus. Alors que l'intellect, lui, va être obligé de mettre le doigt sur la fin ou le début de son expression en souffrant l'impuissance de définir. L'intellect souffrira toujours de l'impuissance de définir l'origine et la fin de son expression. Et c'est ça qui a créé, pendant des siècles, surtout dans les temps modernes, le fameux angst existentiel dont je parlais à Schopenhauer. Ou la fameuse crise existentielle qui a été mise à la face du monde par Jean-Paul Sartre. Ce mouvement-là de l'esprit humain moderne, qui est rendu extrêmement complexe, est devenu pour l'homme, pour l'ego, qui recherche la vérité, une forêt à l'intérieur duquel il est impossible de se retrouver par compas. Et la conscience de ceci ne peut pas être révélée à soi par philosophie, parce que la philosophie utilise les mêmes stratèges que l'intellect. Donc, la découverte de la différence entre ce mouvement de conscience-là et celui de l'intelligence rationnelle ne peut être basée ou ne peut dériver que dans la présence de l'esprit qui domine la question. Si votre esprit ne domine pas votre question, c'est votre ego qui la développe ou qui la maintient ou qui la cultive. Si votre esprit domine votre question, vous verrez que dans votre relation mentale avec l'esprit, il y aura des choses que vous pourrez questionner, il y aura des choses que vous ne pourrez pas questionner. Et si votre esprit est extrêmement présent, vous sentirez que votre esprit a un appointement très dirigé sur et contre votre intellect à un point où votre esprit, un jour, pourra vous soutirer complètement votre mémoire pour vous faire saisir, finalement, dans un instant, que vous n'avez même pas la liberté de penser. Quand l'homme aura réalisé qu'il n'a même pas la liberté de penser, son mouvement puéril, psychologique, évolutif, involutif, existentiel, plein d'anxiété, parce qu'il recherche la vérité, donc le terminal de son mouvement, cet homme-là sera obligé finalement d'admettre que l'origine de la pensée, la fonction de la pensée, le mouvement de la pensée n'est pas déterminé par les doctrines de l'ego, c'est-à-dire par les besoins existentiels de sa recherche pour découvrir ce qu'on appelle la vérité. Donc, ce sera pour l'homme un grand choc, une grande réalisation. Une réalisation qu'il ne pourra pas contester parce qu'elle fera partie de l'éveil de son esprit. Une fois l'homme dans l'éveil de son esprit, il n'aura plus besoin de faire de la recherche ou de questionner ou de se questionner parce que son esprit étant suffisamment présent, autrement dit suffisamment en alliance avec son ego, que son esprit pourra finalement très très délicatement lui suggérer que la question est sans importance. Quand l'homme en tant qu'ego deviendra conscient que la question la plus importante est sans importance, l'homme commencera à se reposer l'esprit et finalement pourra commencer à bénéficier de cette présence ineffable qu'on appelle l'esprit, pour plus tard en découvrir des aspects un peu plus onéreux dans une initiation dirigée. Et plus l'homme deviendra conscient, et plus il viendra en contact avec l'intellect qui se questionne, plus il deviendra instantanément fatigué dans son esprit. Vous sentirez la fatigue, parce qu'un intellect qui se questionne vous transfère, sans le savoir, sans le réaliser, vous transfère sa vibration. Il vous émet sa longueur d'onde. Vous devenez réceptif d'une longueur d'onde qui n'est pas, je dirais, en sympathie vibratoire avec la vôtre, parce qu'elle ne fait pas partie de la même origine. Une fait partie du plan mental, l'autre fait partie d'un autre plan mental. L'une fait partie du mouvement de l'ego, alors que l'autre fait partie du retirement de l'ego, de la transparence de l'ego. Et à partir du moment où l'homme constatera que sa relation avec les hommes concernant le questionnement de l'involution est une relation qui ne fait plus partie de son expérience et avec laquelle il ne veut plus lui-même fraterniser parce qu'il n'appartient plus à cette secte des hommes, c'est-à-dire à cette race des hommes qui recherche la vérité. Ou la connaissance, même chose. Donc ce n'est pas une diffamation contre la recherche de la vérité. C'est simplement un exposé pour faire réaliser que dans le temps, au cours de l'évolution, l'homme ne pensera plus comme l'homme a pensé. Et ne pensant plus comme l'homme a pensé, ses intérêts en tant qu'ego deviendront extrêmement diversifiés parce qu'il sera obligé par vibration d'émettre des sons qui ne correspondent plus aux appétits de l'âme. Quand un homme émet des sons, par la parole, qui ne correspondent plus aux appétits de l'âme, son esprit est désengagé du langage des hommes. Quand l'esprit de l'homme est désengagé du langage des hommes, l'homme ne peut plus fraterniser avec le besoin intellectuel de l'humanité pensante. Il est obligé de se retirer dans le désert de son expérience, où le mouvement de son esprit en relation avec le vide est la seule composante qui représente pour lui la vraie liberté. Donc, il n'y a pas de diffamation contre la recherche de la connaissance ou de la curiosité de l'évolution. Il y a simplement un éloignement de ce besoin primaire de l'homme de s'approprier la réalité à travers la forme ou à travers les catégories. Et lorsque l'homme aura finalement constaté que la puissance de son esprit s'exerce, non pas par le questionnement, mais par la destruction de la forme afin de la remplacer par un autre un peu plus sophistiqué, l'homme découvrira de nouvelles bornes concernant la réalité, mais ce seront des bornes à la mesure de son esprit dans un temps neuf, et non pas la mesure de son esprit ou la finalité de l'expression de son esprit de manière absolue. Parce que la connaissance, ou le savoir, ou la sagesse, ou toute cette expression de la finitude par rapport à l'infinité, c'est un mouvement qui n'a pas de fin et qui n'a aucun point de résurrection. Et c'est ça qui crée, et c'est de là que vient l'impression chez l'homme que Dieu existe. Parce que l'homme a besoin, pour vibrer au niveau de son âme, l'homme a besoin de sentir qu'il est. Et l'homme ne sent qu'il est que dans la mesure où il est capable de faire une évaluation de ce qu'il projette. Ça, on appelle ça la connaissance. Et dans la mesure où les hommes auront finalement cassé avec le CD ou le disque dur de la mémoire humaine, l'homme finalement pourra créer une nouvelle technologie, c'est-à-dire créer une nouvelle façon d'exprimer son savoir, mais sans fin, sans finalité, sans questionnement et sans besoin chez lui, en tant qu'ego, de vouloir ou d'avoir besoin de s'approprier des catégories qui définissent tangiblement ou intangiblement la réalité. Un homme qui a l'impression de pouvoir saisir la réalité à travers les formes est un philosophe. Alors qu'un homme qui a la capacité de décrire la réalité en utilisant les formes simplement pour encapsuler son énergie créative, n'est plus un philosophe. Il est simplement une lumière passagère qui vibre dans un monde ou sur un plan quelconque. Qui constitue la limite de son mouvement en incarnation sur un plan ou sur un autre. À partir de ce moment-là, l'homme est libre en esprit, sur le plan matériel, sur le plan astral, sur le plan éthérique. L'homme est capable, à ce moment-là, de se dissocier en esprit de la forme. Et quand l'homme sera capable de se dissocier en esprit de la forme, l'homme pourra, sur quelque plan qu'il soit, matériel, astral ou mental, l'homme pourra parler ou avoir une conversation intelligente avec les invisibles. Mais tant que l'homme ne pourra pas se dissocier des catégories, parce qu'il aura besoin d'elles, pour substantialiser sa réalité, l'homme aura besoin de réfléchir et de donner une limite quelconque à son savoir, et ça sera la vérité. Et l'homme ne pourra pas à ce moment-là avoir un dialogue étroit, serré, non dominant. Avec les invisibles qui représentent d'autres niveaux d'intelligence qui aussi peuplent des civilisations parallèles. Et tant que l'homme ne pourra pas faire ça, il demeurera un être planétaire, un être qui est réellement circonscrit à une expérience planétaire locale, qu'on appelle dans notre cas l'expérience terrestre, et il ne pourra pas, de cette expérience-là, convenir avec lui-même sur tous les plans de sa réalité. Donc l'homme demeurera exposé à la fragmentation de son être, donc il sera ce qu'on appelle un être humain, normal, au lieu de pouvoir vibrer substantiellement à la multidimensionnalité de son rayon sur différents plans qui lui permet d'être en communication avec des hommes, d'être en communication avec des surhommes, ou d'être en communication avec des invisibles qui constituent des niveaux de civilisation dont les technologies sont totalement intemporelles.